À l'occasion du 90e anniversaire de la Constitution de l'Union pour abattre l'impérialisme, la maison d'édition Rossiski Pisatelli de Russie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du général Kim Jong-il. Le Parti du Travail de Corée est l'organisateur et l'inspirateur de toutes les victoires de notre peuple. La cérémonie de parution a eu lieu le 14 courant sur place. Par ailleurs, à la même occasion, le nouveau Parti Socialiste de Roumanie a présenté dans son emplage d'internet « Idée du Jutsé », l'œuvre classique du général Kim Jong-il, le Parti du Travail de Corée est le parti du camarade Kim Il-sung, grand leader, alors que l'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a inséré dans son emplage d'internet son œuvre, le Parti du Travail de Corée est un parti révolutionnaire de type Juche qui a hérité des glorieuses traditions de l'Union pour abattre l'impérialisme.